Selon Newsis de Corée du Sud, les parlementaires du Parti libéral-démocrate, parti au pouvoir japonais, ont prétendu dans la réunion conjointe des commissions diplomatiques et de coopération économique ouverte à Tokyo le 1er juin qu'il ne faut pas que le gouvernement japonais investisse du fonds à la Fondation des femmes consolatrices tant que le problème de démantèlement de la statue de la fillette devant l'ambassade japonaise à Séoul ne soit pas réglé.